L'exposé et l'exposition d'ordre national de sciences et de techniques du secteur minier ont eu lieu à Pyongyang les 20 et 21 juillet sous les auspices du Comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée. Y ont pris part les cadres, les enseignants, les chercheurs, les techniciens et les membres du doctorat du ministère de l'Industrie d'extraction, de l'Institut central de l'industrie minière de l'Académie nationale des sciences, de l'Université de technologie Kimchae et d'autres unités d'activité. Les participants qui ont publié d'excellentes dissertations ont été primés.